peux te conseiller, petit frère, nique tout. S'il te manque de respect, te demande pas il vient d'où. Allume-le sur le coup, reprends ta vie normale, ça lui apprendra de vouloir tester tes couilles. Ok, maintenant que tout le monde m'écoute, je vais te dire réellement ce que je pense de la rue. Entre nous on s'allume, on se jalouse à mort. Et quand y'a des sous, on s'empêche sous la lune. Si t'as un peu de chance, l'ami t'aura un pote. Ça sera ton complice, vous braquerez des boutiques. Les dos dans les comptes, mais quand t'as le dos tourné. Toi tu sais pas, mais nique ta gadi. Y'a peu de vrais potos, beaucoup de faux. Tu sais la bite quand t'as beaucoup de fonds. Tu crois qu'il t'aime bien, mais tu sais pas ce qu'il vaut. Y'aura plus personne quand tu toucheras le fond. Et toi tu sais pas, car tes potes c'est ta vie. Tu fais le tour de la ville. Avec eux dans la caisse, ça s'enfume toute la nuit, ça parle pas de la Bible. On va te proposer de monter sur un coup. Influençable, tu vas pas refuser. Pour 400 euros de budget, tu vas te charger avant et rentrer capuché. Les gars, j'suis paré. En cas, j'suis armé. Là-bas, dans le bloc, j'suis cramé. Faut se faire fermer la ratasse au braquage. Allongé vous par terre. C'est la première fois que tu vois la cellule. C'est plus ta chambre, c'est pas ta télé. Et en plus t'es un lit qui te casse tes murs. Mais bon ça c'est rien, le pire s'attend. Tu penses que tes potes vont t'assumer dedans. En attendant, tu prends un pétard pour décompresser mais on te dira non. Avec le temps tu te feras des amis. Tu te feras des potes, pas de nouvelles de ceux qui sont dehors. Dedans tu fais peine, ils t'en verront des potes. Maintenant je vais te dire qui viendra te parler. Tu viendras au parlu. Ta mère, ta soeur, ton frère, ta femme, tous tes amis ont disparu. Et tu t'emballes parce que maman assure. Elle envoie les mondes à les chaussures. Pour toi elle sentait la sueur. PD, toi tu la tues à l'usure. Tu fais le garage pour pouvoir l'appeler. Pour t'engueuler, elle a même plus de force. Tu l'as fait cracher, ça personne ne sait. Et en promenade, ça m'a tué pour le torse. PD. Hey. On vous connaît là. Petit trou du cul là qui font des voyous dans les coursiers. Pas moi. Eh, on sait que c'est vos darons qui vous insultent. Bref, force à ceux qui se démerdent. Ceux qui sont dedans, qui mangent la gamelle mais qui disent pas leur daron, fais-moi rentrer du produit. Ok. Go, go. Braquage au braquage, allongez-vous par terre. Clichés au cliché, tout me prend pour sujet. Charbon au charbon, kilo à détailler. Je suis cramé, pense qu'à faire des larmes.